Voilà, merci de nous rejoindre si vous venez de prendre le train d'Afrique Média. Vous suivez donc le débat panafricain première partie. Et aujourd'hui, nous allons surtout nous appesantir sur le Mali avec l'annonce du retrait partiel des soldats français dans le cadre de l'opération Barkhane. Mais avant cela, nous allons nous arrêter un tant soit peu sur le franc CFA, notamment avec le projet donc de réforme qui adopte l'écho, ce projet donc qui a été entériné par le Parlement français. C'est donc la porte ouverte, notamment certainement à l'appropriation de l'écho par les différents pays. Nous allons donc voir ce que cette ratification par le Parlement français, quelles sont les conséquences de cette ratification par le Parlement français et surtout de quoi demain sera fait pour ce qui concerne l'écho dans le cadre notamment de la CEDEAO. Et éventuellement de la CEMAC, puisque les autres pays membres de la CEMAC ne sont pas encore prononcés sur la liquidation du franc CFA. Pour en parler, également présent, président Bandakani, qu'on ne présente plus. Le Parlement français qui a donc ratifié cette pseudo-réforme du franc CFA, c'est une demi-surprise, dites-vous. J'allais dire fondamentalement un non-événement, oui, du point de vue du combat que nous menons. Oui. Mais ce n'est pas un non-événement du point de vue de la diplomatie, puisqu'il faut tenir compte du fait que nos États sont encore dans le fait embarqués dans cette affaire du franc CFA. Donc ça veut dire quelque chose, d'abord pour les États. Donc il faudra dégager toute la signification de cette ratification par le Parlement français. C'est ça. Mais pour nous, c'est un non-événement. Non-événement parce que, M. Bungu, quand nous on parle ici du franc CFA, quand nous on parlait au début, on dit non, c'est une affaire pour les experts. C'est pour les docteurs en doctorat. C'est pour les professeurs en professorat en économie. Que le professeur Basileki m'excuse, que Arnold Tagou m'excuse, je ne parle pas d'eux. Ce sont des gens sérieux. Mais les savants là, on nous a convoqué les savants pour nous effrayer. Mais regardez que depuis que l'affaire est devenue sérieuse, qu'est-ce que vous voyez en France? Comme c'est un processus politique. Il faut bien comprendre. Vous voyez comment l'État français, celui qui a sa tête, ce jupitérien là, est vicieux, pervers, tordu, cruel. Quand nous on parle de ça, on dit non, vraiment, c'est une affaire de vos esprits. D'abord, qui vous dit de parler de ça? C'est trop compliqué pour vous. Et ça ne concerne pas les peuples, ça ne concerne personne. Mais voyez comment, depuis que nous avons imposé ce débat, nous avons enseigné aux Français. Nous avons obligé le jupitérien qui est à l'Elysée à descendre sur terre et à comprendre que les temps ont changé et que l'affaire est terminée. Il est obligé. Vous avez vu qu'il a mis toutes les affaires de côté. C'est lui qui pilote ça. Il est d'abord arrivé avec son long coup jupitérien à Abidjan dans le cadre d'un anniversaire curieux. Il est venu célébrer son anniversaire avec M. Ouattara. Nous, on le dit aujourd'hui. On arrive à comprendre comment un président français célèbre son anniversaire à Abidjan avec M. Ouattara, le président ivoirien. C'est bizarre. Quand on connaît les goûts de ce jupitérien-là, il a des goûts bizarres, très très bizarres. Donc, forcément, tout ça a été bizarre, M. Bungu. Il est arrivé, d'abord, sur un ton martial, sur un ton jupitérien, il a décidé, lui, que le CFA est terminé. C'est beaucoup. Ça, c'est la première curiosité. C'est-à-dire que ce monsieur, c'est un extraterrestre. C'est-à-dire que, et c'est normal, c'est un jupitérien, il ne sait pas qu'il a en face de lui d'autres êtres humains. Il croit qu'il est sur sa planète, là. Donc, il décide que c'est terminé, il reprend à son compte tout ce qu'on a dit, alors qu'il disait hier que non, tout ce qu'on dit est faux, que les panafricains sont des bavards, ils ne savent rien. Il reprend tout, on te but tout ce que nous on disait, et il se positionne en réformateur, celui qui met fin au franc CFA. Alors, on attend de voir ce qu'il va dire. Il sort l'écho. Un crime intellectuel. Parce que l'écho, c'est un processus centenaire. C'est ça. De la sous-région, de la Absolument. Région, de la CEDEAO, pour se doter d'une monnaie. Mais M. Macron, foulant au pied toutes les règles diplomatiques, dans la sauvagerie qui le caractérise, il s'est approprié, il a fait un dribble criminel pour dire que l'écho, c'est lui. Et quand on allait creuser, on dit bon, allons donc voir l'écho là alors. Mais on a vu que c'est du Macron. C'est-à-dire que c'est une affaire qui concerne lui et son ami M. Ouattara, après leur anniversaire. Un truc vide, qui est même pire que l'ancien franc CFA. Parce que le franc CFA avant, là, on pouvait comprendre ça que, bon, dans les années 45, on pouvait comprendre que, n'est-ce pas, vous avez affaire à des illuminés, des colons purs et durs, de vrais extraterrestres, c'est-à-dire, vous savez qu'un colon, c'est un être étrange. Il ne comprend pas que le colonisé est un être humain. En 1946, on peut comprendre que les ténèbres de la colonisation aient envahi la tête des Français de l'époque qui signaient les accords entre eux. C'est-à-dire un Français s'assoit un autre Français à côté, il signe, il dit que c'est l'Afrique qui a signé. Bon, on peut comprendre ça. Mais d'où vient-il qu'en 2020, quelqu'un dont on lui prête 40 ans, donc qui est supposé être de la modernité, il ne veut plus qu'incarner la modernité, et incarner l'actualité de la civilisation humaine. Comment un monsieur comme ça peut décider? Il ne consulte personne, monsieur Bungu. Il ne parle avec aucun président, en dehors de son ami avec qui il a fait l'anniversaire. Il ne parle avec personne. Personne au courant. Il décide comme ça, en bombant le temps, que c'est moi. Et il présente l'écho. Un truc qui est pire, monsieur Bungu. Donc, on a compris que toute l'affaire, là, c'était l'affaire politique. Alors maintenant, il va ratifier par le Parlement français. Il faut rappeler que ce processus de ratification a connu des hauts et des bas, parce que vous avez plein d'élus français qui ont été les porte-voix de l'opinion africaine. Voilà. Alors, président Banda Kani, on était donc en train de parler du Mali avant le franc CFA, vous allez y revenir, et vous étiez en train d'expliquer pourquoi les présidents, en tout cas les leaders africains, ne peuvent pas suivre l'exemple de Emmanuel Macron, qui a posé cette question de la réforme du franc CFA devenue écho au niveau de son Parlement. Oui, c'est-à-dire et que... Vous étiez en pleine démonstration. Oui, j'étais en train d'expliquer que les conditions concrètes, oui, qui ont permis l'émergence de ce qu'on appelle pouvoir politique en Afrique, oui, ne permettent pas de fonder un espoir béat sur une action individuelle des présidents qui suffirait comme ça, là, comme un miracle pour régler les problèmes. La vérité, c'est que les pouvoirs politiques en Afrique n'ont pas été conçus pour régler les problèmes des Africains. Si on a compris ce fait-là, le débat est clos. C'est ceux qui refusent d'admettre ce fait et de tirer les conséquences les plus objectives, n'est-ce pas, qui s'illusionnent sur le fait que il faut que les présidents fassent quelque chose. Mais bien sûr qu'il faut que les présidents fassent quelque chose. Mais s'ils ne le font pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc si moi je dois agir, ça ne dépend pas d'un président. Moi, mes ordres, je ne reçois pas d'un président. C'est pas un président qui m'a dit de faire ce que je suis en train de faire. C'est pas un chef d'État qui m'a envoyé ici, dans ce combat. Donc, les choses vont être claires. Chaque génération a sa mission, elle l'accomplit, ou bien de l'accueillir. Les choses sont claires. Les structures politiques en Afrique n'ont pas été conçues pour développer l'Afrique. Et c'est compliqué à comprendre. Donc, il faut des dynamiques qui vont transformer tout ça. C'est aussi simple que ça. Aucune structure d'État en Afrique n'a été construite pour développer l'Afrique, mais de quoi est-ce qu'on parle? Tout le monde connaît l'histoire du continent africain depuis 1000 ans. Si on prend, tout doit être si on passe, par le combat. Par le combat, par les dynamiques authentiquement révolutionnaires, dans le sens où il y aura une cohérence entre la société à la base et les pouvoirs politiques. Or, le défi de l'Afrique, c'est qu'il y a une incohérence structurelle totale alors entre les structures politiques et les peuples et les exigences historiques qui frappent le continent. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est pas par hasard, c'est un construit. On a pensé ça depuis des millénaires, monsieur Bungu. Ça a été pensé, ça a été élaboré, c'est construit depuis des millénaires. Et on va régler ça avec des... Comment je veux dire ça? Avec des colères injustifiées, des guerres, des animosités personnelles envers le président. Ça ne change rien. Vous comprenez? Ça change rien. La preuve, c'est quoi? C'est que malgré les alternances, regardez, on se trouve, regardez ce que font, malgré les alternances. Mais Tony Michael des Pays-Bas pense que donc, il dit, l'Afrique n'est pas mieux. J'arrive. Donc, c'était pour répondre à Mandra. Oui. Pour dire que moi, je n'ai pas les conseils à donner à Déby. Au président Déby. Je n'ai jamais voulu conseiller un président. Depuis que je suis affirmé, je n'ai jamais eu la prétention de conseiller un président. Je reste dans votre rôle. Dans mon rôle, dans ce couloir. C'est-à-dire, je reste là-dedans. Parce que moi, je ne rêve pas. Et si le président Déby a besoin de vos conseils, il vous le demandera. Ça veut dire que le président... On ne conseille pas un président. Voilà. Le président plus, demande conseil. En plus, c'est la simple politesse. Voilà. Alors, regarde, exactement. Donc, pour dire que dans le cas du Tchad, on voit la situation du Tchad. Oui. L'histoire du Tchad répond à Mandra. Si Mandra lit un peu l'histoire du Tchad, il va comprendre ce qui est en train de se passer. Mais il n'y a que pouvoir politique. Parlons-en. J'ai envie qu'on parle de quoi? Non. Lui-même vous a dit très bien qu'il voulait quitter le pouvoir, qu'il a bloqué là-bas. C'est les Français. Vous voulez qu'on parle comment? Il a dit lui-même. Donc, c'est-à-dire, les dynamiques qui doivent être déclenchées pour sortir d'un état de choses, dans cette situation, je vous en suis, je vous le dis ouvertement, l'Afrique n'est pas encore arrivée à la masse critique. On n'est pas encore arrivé. On est dans une dynamique, mais on n'est pas encore arrivé. C'est ça. Il faut une certaine maturation du mouvement populaire, politique, par exemple, dans un pays comme le Tchad, pour, par exemple, régler la question de la présence française. Ça va au-delà du président Déby. Vous comprenez? Ça va au-delà du président Déby. Et c'est pareil, pas seulement au Tchad. Même au Cameroun, partout. Ces choses-là sont dit que c'est pareil. Mais pour nous, nos options sont claires. Moi, si j'étais au pouvoir, là où je suis là, mais la question de France aurait été réglée depuis. Il n'y a même pas réfléchi. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est lié à ma mentalité, à mon profil psychologique. Et peut-être parce que vous ne gérez pas les mêmes contradictions. Tout que à fait. Peut-être parce que vous êtes ici. Claire. Non, surtout parce que si vous arrivez au pouvoir, vous arrivez au pouvoir par une dynamique qui vous porte. Oui. Et la dynamique qui vous porte contient en elle, les exigences morales, psychologiques nécessaires pour appliquer votre programme, sinon vous n'arrivez pas au pouvoir. C'est ça une démarche démocratique. Par exemple, on voit comment le président Touadéra est soutenu en Centrafrique, même par le peuple centrafricain. Ce sont les élémentaires d'une dynamique populaire. D'accord. Donc c'est clair. Maintenant, pour répondre à notre ami, Tagou l'a dit. Oui, Harold Tagou. Oui, tout à l'heure, je tente de vous dire que je n'aime pas souvent forcer les téléspectateurs. Parce que nous n'avons pas, personne n'a la vérité dans la science infuse. Ne les froissez pas, président. Mais vous voyez comment quelqu'un dit, il vient et dit, arrêtez de parler du français, ça. Et il parle avec un ton d'un savant. C'est-à-dire un ton pérateur pour dire que le débat est clos. Mais maintenant, quand je m'arrête, je me dis que bon, peut-être il a des arguments extraordinaires. Et quand je l'écoute, les arguments sont inconsistants. C'est ça qu'il s'agit. Quand vous dites qu'il faut arrêter de ça, il faut régler le problème de l'éducation et tout. Moi, je pose une seule question à mon ami qui a appelé. Mais quand on a créé le franc CFA, il n'y avait qu'un système éducatif en Afrique. Je pose la question simple. Quand on crée le franc CFA, il y a quel système éducatif en Afrique? Mais le franc CFA, c'est un système de pillage des richesses. Est-ce qu'il le sait? C'est parce qu'on sait que, indépendamment, entre guillemets, du retard éducatif, entre guillemets, l'Afrique est riche. Même en l'état, là, les populations sont très riches. Donc, créons un système qui va voler leur richesse. Ce n'est pas un problème fondamentalement le système d'éducation. C'est qu'il y a des richesses indépendamment du fait que le système éducatif qui est en place, d'après le colon, est un système dépassé, est un système attardé d'après eux. Mais les populations produisent des richesses extraordinaires. Alors moi je demande à ce monsieur, quand on crée la zone franc là, il y a un système éducatif en Afrique, il faut être sérieux. Il n'y en a pas. Deuxièmement, même au stade à quel l'équipe mondiale est arrivée aujourd'hui, mais est-ce que les gens vivent dans une autre planète? Les puissants capitalistes du monde sont en train de vous dire qu'on remet l'économie à zéro. C'est pas une affaire de consommation. C'est pas une affaire de marché, mon cher ami. Tout ça s'est dépassé. Les gars vous disent que c'est trop. Ils vous disent qu'il faut diminuer la population mondiale. Et c'est devenu une exigence économique pour eux. C'est une frontière économique non négociable. Il faut la diminuer et il faut revenir à ce qu'ils appellent capitalisme des acteurs. Ça veut dire que c'est certains acteurs capitalistes qui auront le droit de citer. Vous voyez aujourd'hui comment à cause du Covid, les petites entreprises, tous les consorts sont fait disparaître. Et pendant qu'on les asphyxie, les grosses entreprises ne font que prospérer. C'est pas un hasard. Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Même du point de vue aujourd'hui, l'argumentaire de notre ami, n'est-ce pas, ne tient pas debout. Parce qu'aujourd'hui, quand il parle de fabriquer une voiture, il me fait rire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre objective sur les marchés est saturée. Et ça, on le connaît depuis très longtemps. Est saturée. Donc aujourd'hui, ça dit qu'on court derrière les gens pour qu'ils achètent des choses. Absolument. D'abord, dans les pays occidentaux, c'est le crédit. Tout ça est financé par le crédit. Financé par le crédit. On est passé de la construction de consommation à la société de surconsommation. Absolument. C'est pas par hasard. Et même ça, c'est terminé. C'est pour ça qu'ils disent que bon, grand reset, on remet l'économie à zéro. Eux, ils sont en train de dire ça. Et première condition du grand réserve, c'est quoi? C'est que d'ailleurs, ils ont un contrôle total sur chaque être humain sur la Terre. C'est ça le projet de la Russe? C'est ça l'idée de Marseille? Pourquoi justement vous contrôlez? Pourquoi? Même le dernier pauvre, même le primaire qui est dans sa brousse, on dit qu'on va le vacciner. Vous n'en avez compte beaucoup. On dit le primaire, on dit qu'on va le vacciner. Alors que lui-même, pratiquement, en restreint. Pourquoi on va le vacciner? Parce que l'enjeu, c'est là plus ça. C'est même plus le pouvoir d'achat. C'est que dans la tête de ces gens-là, on est passé à autre chose. L'économie mondiale est complètement, d'après eux, les forces productives telles qu'elles ont été organisées ne permettent plus le maintien du système capitaliste. Donc pour maintenir leur hégémonie, on passe à autre chose. Donc même du point de vue passé, du point de vue actuel, son argumentaire ne tient pas. Mm-hmm. Donc, et j'ai terminé en lui disant, mais va lire Tunisie en premier. Et tu vas voir si ton argument la tient. Mm-hmm. Achète Tunisie en premier, tu lis, mm-hmm. qui était maître de l'économie. Il te démontre que c'est pas, que ce que dit n'est pas vrai. Mm-hmm. C'est pas vrai. Il te démontre comment le préalable, c'est la maîtrise de la monnaie. Mm-hmm. Le préalable. Mm-hmm. Dans les conditions comme les nôtres, c'est la maîtrise de l'outil monétaire. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le franc CFA, en tant que tel, ce n'est pas seulement un dispositif politico-juridique. C'est aussi un mécanisme qui bloque les forces positives d'un pays. Et s'il ne le fait pas, tout le débat aujourd'hui qui est en France aujourd'hui, les forces entre guillemets qui sont à la gauche, parlons comme ça, gauche, j'ai dit bien entre guillemets, en France, tous les reproches qu'ils ont fait devant le Parlement français pour dénoncer la réforme de M. Macron, mais ils ont expliqué ça même, c'est-à-dire qu'aller lire ça, ils ont dit comment les pays africains, leur économie est bloquée à cause du franc CFA. Donc on ne peut pas industrialiser, on ne peut pas développer, il n'y a, vous entendez qu'il y a un système éducatif dans une zone. Et donc, voilà, et donc le système éducatif ne peut pas être développé. Vous avez tout compris. Donc la condition pour le pays, système éducatif, l'industrie, une fois le plus, c'est encore de sortir de la zone franc. Merci. C'est donc avec ces sages paroles que nous allons également mettre un clé, un terme à cette émission.